Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la merci, c'est un contre de l'exo. In R.I.G. 90.7. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 520. Nous sommes le 26 janvier 2022 et il y a 19 ans, à 17h12, je devenais papa pour la première et la dernière fois avec ma fille qui a 19 ans aujourd'hui. Donc bon anniversaire Eden, cette émission t'est dédiée puisqu'on va écouter le White Album et la première chanson ce sera évidemment Birthday pour toi, pour ton anniversaire et pour tous ceux qui seraient nés le 26 janvier, je suis persuadé qu'il y en a d'autres, pas forcément du même âge. Et donc, bon anniversaire à tout le monde. On va écouter, puisque l'album de la semaine, c'est l'album blanc Birthday, je l'ai dit, Back in the USSR. Ce sera d'abord la Escher démo, puis après la version que vous connaissez. Obladi Oblada, Good Night. Parce que lorsqu'elle était petite, Eden, elle adorait que je lui chante Good Night a cappella. Et ça va lui rappeler le bon temps si elle écoute. Je pense qu'elle écoute. Donc ça va lui rappeler ces petits moments où elle s'endormait en écoutant son papa lui chanter Good Night. Il y aura Blackbird et il y aura, pour finir, Helter Skelter. Il y aura également du McCartney, du Lennon, du Harrison et du Starr. Pour McCartney, Ramon. Les deux versions, la version Ram et la reprise. Il y aura I Know pour John Lennon sur Mind Games en 73. Quant à George Harrison, il nous chantera Behind That Locked Door sur All Things Must Pass en 1970. Quant à Ringo Starr, ce sera It's All Down to Goodnight Vienna, le single, c'est-à-dire un peu comme Ramon et Ramon reprise, ce sera Goodnight Vienna, la version que vous entendez sur le début de l'album Goodnight Vienna en 74, et la reprise en fin d'album de Goodnight Vienna rassemblée sur un 45 tours, c'était à l'époque en 1974. Pour le reste, eh bien, on va passer un bon moment jusqu'à un peu plus de 22h parce que Eric ne sera pas là ce soir, donc j'en ai profité pour faire une programmation qui déborde un petit peu, mais pas trop, un petit peu seulement, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Retrouvez-nous sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. On commence ça dans quelques instants et on commence cet album blanc avec le rock and roll de Paul McCartney et un bon anniversaire à Eden, ma fille adorée. la différence des autres chansons de l'album blanc, Birthday a été composé dans les studios d'Abbey Road le 18 septembre 1968, Paul improvisant la mélodie au piano. D'après John, Paul pensait à Happy Happy Birthday, un succès de 1957 des Tune Weathers. Il voulait faire quelque chose de plus contemporain et de plus rock. Le 26e anniversaire de Linda Eastman tombait 6 jours plus tard et Paul savait qu'elle serait à Londres à temps pour pouvoir le fêter. Paul entra en studio le 18 en fin d'après-midi, enregistra la partie de piano. John, George et Ringo enregistrèrent ensuite la rythmique. Puis ils firent une pause et allèrent chez Paul pour regarder le premier passage à la télévision du film The Girl Can't Help It, La Blonde et Moi, de 1956. Un film avec Jane Mansfield dans lequel apparaissent Fats Domino, Gene Vincent, les Trainiers, les Platters, Little Richard et Eddie Cochran. Peut-être inspiré par cette cure de classique du rock'n'roll, les Beatles retournèrent en studio vers 11h du soir et enregistrèrent les vocaux. Tous les Beatles se joignirent à Paul pour écrire le texte ainsi que Ono et Patty Harrison qui participèrent au chœur. « Nous avons improvisé les paroles en studio », expliqua Paul. « C'était l'une de mes chansons préférées sur cet album parce qu'elle est spontanée, elle se danse très très bien. » John ne donna son opinion sur Birthday que 12 ans plus tard et elle n'avait rien d'inattendu. Une chanson bonne à jeter à la poubelle. Il était dur, John. Take one. Chanson réapparaîtra 2 ans plus tard sur l'album Red Rose Speedway sous le titre Big Band Bed. Ce sera le premier titre de l'album. Également, ce que je pouvais dire sur cette chanson-là, c'est que Raymond, c'était un des pseudos de Paul McCartney quand il voulait passer inaperçu. Il se faisait appeler Raymond quelque chose. Et les Ramones, groupe célèbre des années 70 ou 80, se sont appelés les Ramones justement pour donner un petit clin d'œil à Paul McCartney qui s'était fait appeler Raymond. Et oui, il fallait savoir. Voici John Lennon sur la RG. I know, je sais, je sais. The years have passed so quickly. One thing I've understood. I am only learning to tell the trees from wood. I know what's coming down. Je vous suis sur Facebook, il y a Yann qui a marqué « Jolie chanson de John Lennon, oui ». Et avez-vous remarqué que dans cette chanson, il dit « I know it's getting better all the time ». C'est peut-être, c'est peut-être moi qui vais chercher ça, une référence à la chanson « Getting Better » de Paul McCartney sur l'album « Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band ». Paul McCartney avait dit « It's getting better » et John Lennon avait répondu « It couldn't be much worse » ou « Couldn't get much worse », je pense. Ça pourrait pas être pire. Et là, cette fois-ci, en 1973, il dit « Eh bien, je sais que ça va de mieux en mieux tout le temps. » Eh bien, c'est bien d'avoir évolué comme ça, monsieur John Lennon. Ah, le George Harrison qu'on aime beaucoup, Behind That Locked Door, sur l'album All Things Must Pass et sur RG, bien sûr. Why are you still crying? Your pain is now through. Ringo Starr et Goodnight Vienna, chanson écrite par John Lennon, figurez-vous. Oui, mais bien chantée par Ringo Starr. Et vous avez remarqué qu'il faisait un petit clin d'œil à ses copains et puis il dit à la fin, on va faire une petite pause et puis après on va rejouer à fond la caisse dans quelques minutes. En fait, c'est la fin du disque. Voilà. Nous, c'est pas la fin du disque, c'est juste le début de la saga des Fab Four. Et puisqu'on a écouté les Beatles avec Birthday, McCartney avec Ramon, Lennon avec I Know, Harrison avec Behind That Locked Door et Ringo Starr à l'instant, It's All Down to Goodnight Vienna, je vous propose de vous renseigner sur le meilleur moyen de tout savoir sur les Beatles, c'est d'aller sur le site de Lovely Rita. Mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. You don't know how lucky you are, boy, back in the USSR. Been away so long, I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Only disconnect the phone. I'm back at the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back at the US, back at the US, back at the USSR. Well, the Ukraine girls really knock me out. They leave the West behind. So girl, make me sing and shout. That Georgia's always on my mind. Flew in from Miami Beach, B-O-A-C. Didn't get to bed last night. On the way, the paperback was on my knee. Man, I had an awful flight. I'm back in the USSR. You don't know how lucky you are, boy. Back in the U.S., back in the U.S., back in the USSR. Well, the Ukraine girls really knocked me out. They leave the West behind. And my soul girls make me sing and shout. That Georgia's always on my so long I hardly knew the place. Gee, it's good to be back home. Leave it till tomorrow to unpack my case. Only disconnect the phone and back in the USSR. Woo, you don't know how lucky you are, boy. Back in the US, back in the US, back in the USSR. Il existait une sorte de rivalité aimable entre les Beatles et les Beach Boys, chaque nouvel album de l'un des groupes incitant l'autre à se surpasser. Le contact le plus prolongé qu'aient eu les membres de ces deux groupes eut lieu en février 1968, lorsque les quatre Beatles et leur compagne partirent à Rishikesh en Inde étudier la méditation transcendantale. Trois autres musiciens professionnels suivirent le même enseignement, le chanteur écossais Donovan, le flûtiste américain Paul Horn et Mike Love des Beach Boys. Les musiciens passèrent beaucoup de temps à parler, à jouer et à composer ensemble. L'une des chansons que provoqua cette rencontre est « Back in USSR » que Paul composa comme un pastiche des Beach Boys et de Chuck Berry. La chanson trouve son origine dans un commentaire de Mike Love qu'il fit à Paul alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner à Rishikesh. Tu ne crois pas que ce serait amusant de faire une version soviétique de Back in USA de Chuck Berry, en faisant allusion au 45 tours qui était sorti et qui avait fait un immense succès en 1959 par Chuck Berry, dans lequel le chanteur expliquait à quel point il était heureux d'être de retour dans son Amérique civilisée, avec ses cafés, ses drive-ins, ses gratte-ciels, ses hamburgers, ses jukebox. Les Beach Boys s'étaient déjà inspirés de cette chanson ainsi que d'une autre composition de Chuck Berry, Sweet Little Sixteen, pour composer California Girl et Surfing USA, dans lesquels il chantait les louanges des jeunes californiennes et du surf. Paul suivit ce conseil et composa une parodie qui parlait de l'URSS comme Berry l'avait fait pour les États-Unis et rendait aux femmes soviétiques l'hommage que les Beach Boys avaient rendu aux californiennes. Après une décennie de compositions consacrant des lieux comme Memphis, Chicago ou la Nouvelle-Orléans, il était saisissant d'entendre le nom de Moscou dans une chanson de rock. L'idée de parler des filles de Géorgie en URSS à l'époque, et de traiter l'Ukraine comme si c'était la Californie m'avait beaucoup plu, raconte Paul. Les conservateurs américains furent choqués par Back in USSR parce que la chanson semblait célébrer l'ennemi en pleine guerre froide à une époque où les États-Unis étaient en guerre contre les Vietcong et qui étaient soutenus par les Russes. Ces garçons aux cheveux longs, qui avaient déjà été reconnus pour se droguer, étaient-ils devenus des communistes? La suite, eh bien, c'est la même chanson, mais la version finale qui a atterri sur l'album blanc. Back in USSR, avec un petit clin d'œil cette fois-ci à mes potes de l'aérien, puisque vous savez que je travaille dans l'aérien. Bag was on my L'album blanc, c'était la version Escher démo de cette chanson qui atterrira en 1969, un an plus tard seulement, sur l'album Abbey Road. Et quel bon album! Je pense qu'on risque d'en écouter un petit peu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que la semaine dernière, je voulais vous programmer à partir de Golden Slumbers jusqu'à la fin. Et comme j'étais accompagné et qu'on discutait beaucoup, je me suis trompé de plage et je n'avais pas le temps de pouvoir vous proposer les titres que j'avais programmés. Donc, on va se venger cette semaine puisqu'Eric n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, j'ai rien dit. Voici Ringo Starr sur RG. En 2003, Instant Amnesia. We'll be right back. amnesia makes you forget your worries, your troubles, forgives you your debt. Instant amnesia, it's already gone. If you think you remember, tomorrow you're wrong. It's just like a kiss. You can't close your eyes, it's too easy to miss. Instant amnesia, you can't take no pill. There's no medicine, so it must be God's will.

entendit pour la première fois les mots Obladi Oblada dans la bouche d'un joueur de congas nigérian du nom de Jimmy Scott qu'il avait rencontré au Bag O'Neill, une boîte de Soho. Scott, un personnage flamboyant et inoubliable, vêtu de tenues africaines et portant toujours des lunettes noires, était renommé pour ses expressions. Obladi Oblada, si vous rencontrez un Yorumba, il vous dira que Obladi Oblada veut dire « Life goes on », la vie continue, quoi. Obladi Oblada est cité pour être le premier morceau de reggae blanc. La phrase et les personnages sont jamaïcains. Lors de l'enregistrement, Paul s'est trompé à un moment donné et a chanté « Desmond stays at home and did his pretty face », ce qui devait être Molly qui restait à la maison pour se faire belle. Mais cette erreur plut aux Beatles et ils conservèrent cette version sur le disque. Paul adorait cette chanson et voulait la sortir en 45 tours, mais bien évidemment, John l'a toujours détestée. 1979 sur Back to the Egg, le fameux album « To You » sur RIG. C'est la saga des Fab Four, la numéro 520, tous les mercredis. La création du comité qui voudrait que cet album Back to the Egg devienne un chef-d'œuvre parce que c'est un chef-d'œuvre. Même Paul McCartney ne le croit pas, il a tort. Quelle voix, quelle composition, quel superbe album en 1979. You know the reason why. my eyes. The world it licks my bone. Feels so suicidal, just like the autre genre, 5 ans plus tard seulement, The Lord Loves the One That Loves the Lord. George Harrison sur RIG. nous passons de 1973 et l'album Living in a Material World de George Harrison à 1981 et l'album Stop and Smell the Roses de Ringo Starr. Il aurait dû sortir l'album en 1980, mais entre-temps, il y a eu l'assassinat de John Lennon, ça a repoussé, et puis il est allé sur l'album de George Harrison pour faire un petit hommage avec la chanson All Those Years Ago, etc. Bref, ça a pris du temps. Mais il nous sort un album avec encore ses copains qui viennent l'aider, et notamment cette chanson, Attention, belle chanson, signée Paul McCartney, il me semble. Attention. Everybody wants to smile. Everybody needs a mention. Attention, attention for a while. Chanson suivante, il faut revenir à peu près 16 ans en arrière. La petite qui a maintenant, qui est une grande jeune femme qui a 19 ans, mais avait à l'époque 3 ans. Et à 3 ans, elle me disait « Papa, viens me chanter la chanson Goodnight ». Et elle se mettait au lit, j'éteignais les lumières et je lui chantais cette chanson extraite de l'album blanc. Bon, il n'y avait pas l'orchestration. Good night. Nous sommes arrivés à La Cover. La Cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo ou George, que ce soit avec les Beatles ou en carrière séparée, même si eux-mêmes faisaient déjà la reprise de quelqu'un, comme par exemple Baltimore Oriole pour George Harrison sur l'album Somewhere in England. Voilà. Eh bien, la chanson de ce soir, c'est une chanson qui sera reprise en 1975 par John Lennon sur l'album Rock'n'Roll. On va écouter l'original par Little Richard. Voici Slippin' and Slidin', avec un petit morceau en plus qui ne figure pas sur le titre chanté par John Lennon. C'est Slippin' and Slidin', Peeping and Hiding. Un truc comme ça. Là, voici la chanson, la cover, dans la saga des Fab Four. Nous sommes dans la rubrique, vous savez, ressemblant à fils d'eux, etc. Et là, c'est bien un fils d'eux. C'est Julian Lennon, le premier fils de John Lennon, qui nous a rappelé que Lucy in the Sky with Diamonds, c'était un dessin que lui avait fait alors qu'il était à la maternelle. Il avait quoi, 4 ans, 5 ans peut-être, 4 ans. Et il avait rapporté ce dessin à son père. Il avait dit, c'est Lucy, ma copine Lucy, dans le ciel avec des diamants. Et Lucy est décédée, il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Et il en a fait une chanson pour se remémorer cette copine de maternelle, quoi. Là, voici cette chanson, Lucy, surérigée par Julian Lennon. Il y a également James Scott Cook dans la chanson. Here she comes with her girlfriends, walking in circles, making their way hand in hand. When she plays with her girlfriends, she's one in a million, coming again and again. Thank you. when she laughs with her girlfriends. You know it's a true love that's so innocent. When she smiles with her girlfriends, I'll always remember the smile that I'll never forget. Do do do do do do do do do do do do do do do do do do. We still love you, Lucy. You know I do. We still. Franchement, moi j'aime bien. Vous êtes sur RIG 90.7 pour ceux qui ont la chance d'écouter en FM. Pour le reste, c'est www.rigfm.fr. On a écouté tout à l'heure dans la cover Sleeping and Sliding, Beeping and Hiding de Little Richard. Voici la version de John Lennon sur l'album Rock'n'Roll en 1975.

1986, j'étais allé chercher cet album sur un album rare qui s'appelle The Anti-Heroin Project. C'était difficile à trouver, je l'avais acheté assez cher, juste pour cette chanson-là, parce que c'était un inédit de Paul McCartney, introuvable, jusqu'à ce que on arrive au CD, et puis que maintenant, sur la ressortie en 1993, le remastering de l'album Pipes of Peace, sorti lui en 1983, prenez des notes. Eh bien, il y a cette chanson-là, Pipes of Peace, qui a été rajoutée, pas Pipes of Peace, Simple as That. Donc, procurez-vous-le, parce que c'est une très très bonne chanson signée Paul McCartney. Je vous propose maintenant, dans la saga, deux fois la même chanson. Une version travail avec les Beatles, qui a été rejetée parce qu'elle ressemblait trop à Mother Nature's Son dans le thème. C'est Child of Nature. Et ensuite, en 1971, John Lennon a ressorti la chanson sous le nom de Jealous Guy. Même air, paroles différentes. Mais moi, je vous propose la version de l'anthologie Lennon, la version qui est sortie en 1998, légèrement différente. On écoute les deux à la suite. Child of Nature et Jealous Guy, une version un peu différente. On the road to Rishikesh, I was dreaming more or less, and the dream I had was true. Yes, the dream I had was true. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Sunlight shining in my eyes as I face the desert skies, and my thoughts return to home. Yes, my thoughts return to home. I'm just a child. Need much to set me free. I'm just a child of nature. I'm one of nature's children. Underneath the mountain ranges, where the wind that never changes touch the windows of my soul. Touch the windows of my soul. I'm just a child of nature. I don't need much to set me free. I'm just a child of nature. One of nature's children. One, two, three, four. Jealous guy, I was feeling insecure. Version différente sur RIG que les autres radios ne vous proposent pas. Et les autres radios ne vous proposent pas non plus cette version d'un show télévisé de 1999 de The Long and Winding Road par Paul McCartney. Long and winding road that leads to your door. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy night that the rain washed away. Many times I cry. Anyway, you never know the many ways I try, but still they lead me back to the long and winding road. You left me standing here long, long time ago. Don't leave me waiting here. Lead me to your door.

l'entend à peine parce que le logiciel a coupé, mais à la fin, Ringo Starr hurle « J'ai des ampoules aux doigts !» parce que là, le morceau a duré un peu plus de 4 minutes, mais à l'origine, lorsqu'il a été enregistré, il durait dans les 27 minutes. Il a été raccourci, c'est peut-être pas plus mal. Pourquoi cette chanson-là ? Eh bien, tout simplement que Paul McCartney avait entendu dire que les Who avaient composé une chanson qui était extrêmement volumineuse, avec un son très très hard, etc. Et ils ont dit, et ils s'étaient dit, tiens, bah, puisqu'ils ont fait ça, je vais faire pire. Mais ils n'avaient même pas écouté la chanson. La chanson, c'est I Can See For Miles. Et je dois avouer que le titre ne me dit rien, donc je ne suis pas sûr de connaître la chanson I Can See For Miles des Who. Bref. Cette chanson était incluse dans l'album blanc et ça montre que le petit amateur de guimauve de douceur, Paul McCartney, était capable de faire des rocks très très durs. Et on a écouté tout à l'heure là, la chanson Goodnight, le rocker John Lennon était capable lui aussi de faire des chansons très guimauve, très douces, puisqu'il avait composé Goodnight pour son fils Julian qui n'avait que 4 ans à l'époque. Voilà. Nous approchons de la fin déjà de la saga des Fab Four, donc on va passer deux morceaux d'un génie qui s'appelle George Harrison. Ils datent de 1968 et 1969. While My Guitar Gently Weeps, la version de l'anthologie, et Here Comes the Sun, qui date de Abbey Road, forcément. Gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning. Gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. Perverted too. I don't know how you were inverted. No one elated you. I look from the wings at the play you are staging. Gently weeps as I'm sitting here doing nothing but aging. Still my guitar gently weeps. Thank you. Here comes the sun, I say, it's alright. Seule radio en 2022 vous propose la suite, c'est RIG 90.7. Out of college. Way to get back Est-ce que c'est bon? Allez, on va jusqu'au bout du bout. Alors, il en reste une petite. Imagine. Majesty's a pretty nice girl, but she doesn't have a lot to say. My Majesty's a pretty nice girl, but she changes from day to day. I wanna tell her that I love her a lot, but I gotta get a belly full of wine. My Majesty's a pretty nice girl, someday I'm gonna make her mine. Oh yeah, someday I'm gonna make her mine. Entière la face B d'Abbey Road. Qui vous propose ça? Je vous le demande. Seulement RIG 90.7. Merci à Eric de m'avoir laissé une partie de son temps d'antenne puisqu'il n'est pas là aujourd'hui. Et merci à vous d'être là tous les jours, enfin tous les jours, tous les mercredis, entre 20h et 22h, quelle que soit la chaleur dans le monde ou l'endroit où vous êtes, en tout cas, que vous soyez à Rio, que vous soyez en Belgique, que vous soyez quelque part en France, et même, je compte bien en parler aussi, ceux qui sont sur Bordeaux, sur 90.7, dans la saga des Fab Four. Merci à vous toutes et tous. On se donne rendez-vous la prochaine fois pour d'autres aventures. À très bientôt. Salut.